dans mes bras te serrer. Oui, tu sais, pour toi, je suis tout le temps. Doucement, je veux pouvoir caresser tendrement dans mes bras te serrer. Tout au long de ma vie, je t'en prie, crois-moi, je suis ce qu'il y a pour toi de plus sincère. Puis pour moi t'es la seule étoile qui brille en moi. Darling, non non non non, jamais je ne te laisserai t'en aller. Je ferai tout pour te garder près de moi. Oui, je ferai tout pour toi. Oh, doucement, je veux pouvoir caresser tendrement dans mes bras te serrer. Chaleureusement, oui, tu sais, pour toi, je suis tout le temps. Tout le temps, doucement, je veux pouvoir caresser te serrer. Chaleureusement, oui, tu sais, pour toi, je suis tout le temps. Faux cœur, hein. Cette nuit, crois-moi, je sais. Baby, je ferai de toi ma princesse. Oui, je ferai de toi ma déesse. Oh, cette nuit, crois-moi, je sais. Lady, tu auras ma tendresse. Tu auras toutes mes caresses en moi. Darling, non, non, non, non, jamais je te laisserai t'en aller. Je ferai tout pour te garder avec moi. Te serrer, chaleureusement, oui, tu sais, pour toi, je suis tout le temps, doucement, je veux pouvoir caresser tendrement dans mes bras, te serrer, chaleureusement, oui, tu sais, pour toi, je suis tout le temps. Dingue, girl, viens, doucement. Te serrer, chaleureusement, oui, tu sais, pour toi, je suis tout le temps.